pas mal de temps que l'on m'a baptisé. À l'époque, ça voulait encore dire quelque chose. Mais maintenant, cette tradition est presque oubliée. Pourtant, c'était si peu de choses. Plus tard, je suis allé communier. Les églises étaient toujours remplies. Aujourd'hui, toutes ces choses sont effacées. Pourtant, c'était la base d'une vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quelques mots qui faisaient que nous étions bénis. Oui, au nom du Père, du Christ et de Marie, tous ces noms vos représentants les ont salis. Il y a déjà pas mal de temps que je ne les écoute plus. À l'époque, toutes leurs paroles m'intéressaient. Mais maintenant, eux-mêmes ne se comprennent plus. Pourtant, ce qu'ils disaient, on y croyait. Votre nom, ils osent nous juger, veulent qu'on se mette à genoux et que l'on prie. En votre nom, ils se vautrent dans les péchés, et par les quêtes, ils s'enrichissent. Au nom du Père, et du Saint-Esprit, quelques mots qui faisaient que nous étions bénis. Oui, au nom du Père, du Christ et de Marie, tous ces noms vos représentants les ont.